There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize consciousness is affected? There is this thing. On. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bonjour, bienvenue dans En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Je m'appelle Antoine et je vais être votre hôte aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'émission, je vais m'entretenir au téléphone avec André Bellil, président fondateur de l'Association québécoise pour la lutte contre la pollution atmosphérique. Il va nous parler du contexte de la lutte environnementale au Québec au lendemain du week-end Action Climat. On le rappelle, la marche Action Climat dans la ville de Québec samedi a réuni plus de 25 000 manifestants venus protester contre la politique énergétique au Canada. Les projets pétroliers ont aussi adressé un message aux différents premiers ministres de province qui se réunissent demain pour coordonner la politique climatique et énergétique canadienne en vue du sommet international sur le climat qui se tiendra à Paris au mois de décembre. Donc nous recevons Monsieur Bellil aussi pour parler du lancement de son livre « 50 ans de caricature en environnement ». Dans ce livre, à travers des caricatures parues à travers les décennies dans la presse québécoise, il retrace son parcours de militant et les grandes luttes environnementales au Québec et au Canada. Le lancement du livre se fera ce 16 avril à Montréal, au musée McCord. Plus tard dans l'émission, nous allons aborder le thème du privilège blanc et des conséquences sur les populations racisées de ce privilège. Nous allons entendre Ted Rutland, géographe et professeur à l'Université de Concordia, sur ce sujet à l'occasion de la conférence « Le privilège blanc ou l'inconvénient d'être coloré » organisée il y a quelques semaines par le collectif Ça me concerne. Mais tout d'abord, pour commencer, il y a quelques semaines, je me suis rendu au compte-rendu préliminaire de la Commission populaire sur la répression politique. Je pense que dans le contexte actuel de montée en tension entre le gouvernement, les services de police et les militants de toute cause, il est essentiel de dissocier les idées des faits. Et on va entendre l'un des commissaires majeurs de cette commission, le professeur à l'UQAM Francis Dupuy-Déry, qui livre une analyse partielle des résultats de la commission sur la répression politique au Québec et au Canada. On vous écoute en profondeur et on revient dans un instant. Yes, 1-2-1-2. Oh yeah, see, Nomadic Massive in the place to be. You're listening to CKUT 90.3. Understand? Vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h03. Donc on part maintenant sur le premier sujet de l'émission. Il est nécessaire de rappeler dans cette période de forte agitation sociale ici au Québec que la répression politique et la peur dans une démocratie sont des dangers dont on ne doit pas se sentir à l'abri. Au-delà même des considérations idéologiques, la répression est dangereuse car elle brise des vies sur des motifs simplement politiques. Donc la Commission populaire sur la répression politique a été créée ici au Québec en 2013 et est soutenue par l'Association pour la liberté d'expression. Cette commission, elle est indépendante et tient des audiences publiques par le biais de ses commissaires. Donc elle rendra son rapport définitif cet été. Et si vous vous sentez victime de répression politique, il est toujours temps de contacter la commission sur internet au www.cprp.info ou par téléphone au 514-297-1389. On va maintenant écouter Francis Dupuy-Déry, professeur à l'UQAM et l'un des commissaires, présenter les premiers résultats, les résultats partiels d'enquête de la commission. Mon nom est Francis Dupuy-Déry, donc je suis un des commissaires permanents. Donc simplement, je vais vous entretenir pendant environ 3 heures pour simplement vous faire un bref résumé de mes réflexions suite à la commission. Simplement pour vous indiquer quand même que les audiences elles-mêmes avaient commencé d'une drôle de manière pour moi, dans la mesure où, en fait, la journée où les audiences commençaient, il y avait une conférence de presse prévue devant le quartier général du service de police de la ville de Montréal qui n'a pas eu lieu finalement. Mais moi, à mon bureau, en fait, j'avais un téléphone d'un officier du service de police de la ville de Montréal qui voulait me parler au sujet de la commission, donc ça commençait bien. Je n'ai pas retourné l'appel. Tout de même, c'était quand même intéressant. Ça a été dit, mais je le rappelle, donc il y a vraiment un très grand nombre de diversité de groupes qui sont venus. Évidemment, dans la mesure où on est proche de la grève étudiante, encore quand même, il y a évidemment eu plusieurs témoignages sur la grève étudiante elle-même dans les différentes villes. Des groupes militants, donc des groupes anticapitalistes, écologistes, groupes autochtones, groupes communautaires, des médias indépendants, des individus aussi spécifiquement ciblés, puis parfois, en fait, évidemment aussi, les témoignages permettaient d'effectuer des croisements, par exemple, entre les questions liées aux discriminations par rapport au sexe, orientation sexuelle, le racisme, évidemment, donc les choses se croisent. On n'est pas toujours dans le profilage politique au sens, disons, pur, si on peut dire, mais il y avait d'autres variables, évidemment, qui venaient se croiser. On a entendu beaucoup de... Je tiens à souligner, en fait, le courage, en fait, des personnes qui sont venues témoigner. Pour plusieurs personnes, de toute évidence, c'était quelque chose d'assez émotif, assez dur. Ça fait remonter, évidemment, des situations difficiles. On était peut-être un peu trop formel dans notre accueil, je dirais certaines personnes. Mais en tout cas, très certainement, il y avait des présentations touchantes, des présentations qui étaient marquées par la colère, la peine, l'émotion. On nous partageait aussi des analyses, donc ça, c'était intéressant pour nous aussi. J'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments qui, moi, m'ont marqué dans mon rôle de commissaire par rapport aux audiences qu'on a eues. Premièrement, en fait, évidemment, c'est important pour nous de sortir de Montréal et donc d'aller voir ailleurs. Mais en fait, je n'avais pas évalué à quel point ce serait intéressant, si on peut parler comme ça, d'aller voir ailleurs. Et je n'avais pas réalisé à quel point on réaliserait, en fait, des différences quand même selon les villes. Véronique va sans doute en parler tout à l'heure, mais moi, par exemple, je suis très montréalo-centré, même si j'ai déjà manifesté à Québec, par exemple, à quelques occasions, à Ottawa aussi, Sherbrooke, pas vraiment, avec tout le respect que j'ai pour Sherbrooke. Mais donc, de se faire raconter la réalité d'autres villes, ça évidemment permet à la limite de mieux comprendre notre propre situation, de relativiser certaines choses, et de comprendre ou mettre en lumière aussi certaines réalités liées à la police. Je donne des exemples sur Québec qui m'ont marqué. En fait, ce qui m'a marqué à Québec, c'est à quel point les groupes, souvent, ont des capacités de mobilisation relativement, et je dis ça avec tout respect, là, relativement réduites. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de manifestations nécessairement très importantes en nombre. C'est des groupes aussi qui ont des historiques tout à fait paisibles. C'est-à-dire, on leur demandait, oui, mais vos manifestations, est-ce que dans les années précédentes, il y a déjà eu des arrestations ou des méfaits commis? C'est, non, c'est jamais rien passé dans nos manifestations. Et pourtant, elles sont vraiment l'objet d'intimidations flagrantes de la part des policiers, aussi bien des personnes qui organisent que des personnes qui se présentent. Il y a, en plus du règlement, il y a un formulaire que les personnes doivent remplir avec leur nom, leur numéro de téléphone, etc. Et même quand il y a une sorte d'autorisation, quand le permis a été dûment rempli, il y a des moments où les policiers de Québec disent « Ben non, il n'y aura pas de manifestation, vous allez rester sur le trottoir, etc. » Et là, c'était assez gros, justement, où je demandais « Oui, mais, je sais pas, vous avez déjà cassé des vitres, vous voulez quelque chose, vos casquettes, je sais pas, pris d'assaut l'hôtel de ville, faites-vous... » Il disait non, on n'a jamais. Et donc, ça, c'était pour moi, c'était vraiment quelque chose de à la fois curieux, intéressant. Sont plutôt à l'époque de l'université, trouve plein d'affaires intéressantes, mais en fait, c'est des choses scandaleuses. Et donc, une sorte de durcissement à Québec de la répression qu'on aurait de la difficulté à imaginer ici. Je me rappelle aussi du récit qui nous a été fait de la fin de Occupy Québec. C'était particulièrement intéressant aussi. Le mouvement Occupy, il a été évidemment beaucoup très visibilisé, il a été très connu, évidemment, on l'a vu à Montréal aussi. Ce qu'on oublie peut-être généralement, c'est que Occupy, qui est un mouvement qui a touché des centaines de villes en Amérique du Nord, En fait, presque partout, la fin d'Occupy, c'est la police, en fait. C'est par la police que Occupy se finit à peu près partout. Et donc, évidemment, tout le monde se dit « Oui, mais c'était comme des interventions policières relativement paisibles. Il n'y a pas eu mort d'homme. Les policiers sont simplement venus pour dire aux gens que c'était fini. » Mais justement, c'est-à-dire qu'Occupy, d'une certaine manière, n'a pas, malgré l'ampleur de la mobilisation, il n'y a pas eu de réponse politique à Occupy. Ça a été une réponse policière. En fait, le politique a simplement laissé Occupy durer un certain temps. Et quand on a décidé que c'était fini, la réponse, ça a été partout, en fait, d'envoyer des policiers de dire « c'est terminé ». Et à Québec, c'est assez impressionnant. On nous a expliqué qu'en fait, si ma mémoire est bonne, que le matin de l'évacuation, de l'expulsion du campement d'Occupy de Québec, où par ailleurs, il y avait eu beaucoup d'abus de droit, c'est-à-dire que régulièrement, les policiers venaient fouiller les tentes ou venaient saisir des bidons d'eau, des choses comme ça. Mais le matin, en fait, de l'expulsion d'Occupy, c'est, si je me rappelle bien, c'est 108 policiers de la ville de Québec qui en comptent à peu près 400-500, donc quelque chose comme ça, ou 700, c'est presque pour 6 occupants. Donc, les radios poubelles ne devaient pas être contentes, c'est quand même du gaspillage de fonds publics. Mais vous voyez, en fait, une espèce de déploiement policier totalement démesuré, alors qu'évidemment, les policiers de Québec savaient très bien qu'il restait 6 personnes et qu'il n'y avait comme pas de risque quelconque. On aurait pu facilement envoyer 3 autopatrouilles, ça aurait été desservi terminé. À Québec aussi, évidemment, on nous a largement entretenu sur justement le rôle des radios poubelles dans une valorisation de la répression policière et dans un processus de discriminant envers quiconque se mobilise, surtout à gauche, ou pour des valeurs progressistes. Et donc, ça, évidemment, pour les gens, c'était considéré comme quelque chose qui participait de la répression. En fait, la répression, c'est pas nécessairement le coup de matraque. Et puis, on nous a aussi mentionné, peut-être tu vas en parler, une sorte, là je le dis en tout respect, c'est des gens qui nous en ont parlé comme ça, une sorte d'esprit de village, c'est-à-dire qu'à Québec, les groupes communautaires sont sur des tables de concertation avec la police, puis la police, elle les connaît, puis là c'est un peu difficile. Alors on nous a donné un exemple d'un groupe qui voulait en fait faire signer par plusieurs groupes communautaires une pétition dénonçant la brutalité policière à Québec, où au fur et à mesure des journées où on essaie de récolter des signatures, les groupes communautaires, en fait, recevaient des appels de la police et finalement disaient « pouvez-vous voter mon nom de la pétition parce que là, ça nuit un peu à nos relations dans les tables de concentration, etc. » Donc, vraiment des pressions claires, en fait, c'est de l'intimidation de la police à Québec. Donc, je vous donne ces quelques exemples comme ça qui donnent. Donc, on préfère évidemment le même exercice sur Sherbrooke et sur Gatineau, puis après ça sur Montréal aussi. Évidemment, Montréal est une ville de région par rapport aux autres. Et donc, de voir les différences en fait de culture policière, de culture répressive et comment les dynamiques se mettent en place selon les villes. On pourrait aussi évidemment, ce qui va évidemment être intéressant, j'imagine, dans le rapport, j'espère, ça va être en fait de voir en fait par secteur. Donc moi j'ai été marqué en fait parce que nous avons eu beaucoup quand même proportionnellement de militants qui sont venus nous parler à partir du secteur écologiste, de l'écologie en fait, du militantisme écolo. Vous pouvez me dire que c'est pas très étonnant après toutes les critiques qui leur sont adressées. Justement, c'était une chose qu'on nous expliquait, les représentants de Greenpeace, par exemple, donc une organisation très grande, avec beaucoup de ressources, beaucoup de moyens, siège social, etc. Mais qui même, une organisation comme Greenpeace, en fait, dit que depuis 10-15 ans, ils sentent en fait la pression. Il y a un effet concret qui est ressenti chez Greenpeace de tous les discours dénigrants des écologistes et de Greenpeace qui sont identifiés à des éco-terroristes, qui sont identifiés évidemment, qui sont décriés à la fois par le gouvernement Harper, bon, par le maire du Royaume du Nord aussi, mais en tout cas, bref. Et donc, ils disent, ça a un effet réel, c'est-à-dire que Greenpeace, qui est une grosse machine militante, qui fonctionne avec un membership, des cotisations, des donations, mais aussi des mobilisations, parce que Greenpeace continue quand même à mener des actions directes, dit, bien évidemment, c'est nécessairement un effet de nuisance, c'est-à-dire que les gens disent, oui, mais là, si on est en train de dire que Greenpeace, c'est une organisation terroriste, est-ce que continuer à être sur des listes, est-ce que mon nom est... Et puis surtout, évidemment, comment on fait pour motiver les gens qui peuvent être plus frileux à entreprendre des actions dans la direction de Greenpeace, donc des actions de désobéissance civile, et ça devient de plus en plus difficile. Et puis, on nous a même mentionné un autre représentant des groupes écologistes qui, selon lui, évidemment, c'est pas nécessairement lié à la répression seulement, mais c'est quand même significatif. Il a calculé qu'à peu près 300 groupes écologistes avaient disparu au Québec depuis une dizaine d'années. Une chose qui m'a marqué aussi, c'est quelque chose, ça faisait longtemps que je voulais avoir des témoignages à ce sujet, parce que je pense que c'est un phénomène tout à fait problématique, évidemment, au Québec, c'est le ciblage individuel. Nous avons, en fait, des personnes au Québec, des individus au Québec, dans les différentes villes, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu constater, qui sont, en fait, ciblés par la police pour des raisons plus ou moins claires. Mais à partir du moment où un corps policier, ou ça peut être une unité policière, identifie une personne et qu'elle décide en fait qu'elle va la cibler, cette personne en fait peut passer des mois, voire des années, à être intimidée, harcelée par la police, interpellée par son nom, se faire une sorte de chantage psychologique. Il n'y a aucune tolérance envers ce que cette personne fait quand elle se retrouve dans des manifestations, ou même quand elle se retrouve à marcher seule au centre-ville de Montréal ou à Québec. On a donné des témoignages à Québec et à Sherbrooke. Elle se retrouve en fait avec une sorte d'amoncellement, d'accusations de toutes sortes, toujours pris avec des processus juridiques, judiciaires. Et donc, ça, évidemment, vous comprenez que c'est un fardeau extrêmement lourd à porter, parce que là, c'est vous, comme individu, qui êtes la cible, même si vous êtes lié à une organisation. Il y a d'ailleurs des individus qui sont venus nous parler qui n'étaient pas nécessairement liés à des organisations et qui se faisaient quand même cibler. Ça, donc, on a eu plusieurs témoignages de ce type-là. Autre forme de répression, je vais bientôt terminer. Autre forme de répression dont j'en ai parlé, les médias, on a parlé des médias, des radios poubelles. Le système de justice lui-même peut être perçu comme un outil de répression. Là, on va voir, ça aurait été intéressant que les audiences continuent avec ce qui est en train de se passer avec la fondation du 1625, Maurras, qui est malheureusement pas venu nous parler. Il est occupé, je pense. Mais il avait fait avec Nathalie Lando, donc le système de justice peut être utilisé. On nous a parlé des SLAP, donc évidemment les écologistes sont venus nous parler des SLAP, entre autres. On nous a parlé, je l'ai mentionné un peu pendant la conférence de presse, des directions d'établissements, entre autres des établissements scolaires, universitaires, postsecondaires. Depuis une dizaine d'années, plusieurs témoignages en fait d'un durcissement au niveau des directions d'établissements qui, en fait, dans les années 90 ou même au début des années 2000, étaient relativement tolérantes, en fait, même pour des occupations, des fois, qui duraient, en fait, très longtemps, en fait, en situation de grève. Puis il y avait une sorte de bonne entente avec les directions, et puis on dirait que vers 2005, si j'ai compris, tout était relatif, évidemment, là. Je vois des grognements à ma gauche, mais en 2005, on dirait qu'il y a vraiment un durcissement à ce niveau-là. C'est comme si aussi il y avait une sorte d'entente entre les différentes directions pour adopter une méthode plus dure, avec des événements évidemment tout à fait célèbres, comme la soirée Pote, alcool et grabuge sur le journal de Montréal au Cégep du Vieux-Montréal, ou des occupations en fait 2007-2008 à l'Université de Montréal, ici en même, en fait, brutalement réprimées après seulement quelques heures. Ce qui explique probablement, entre autres, pourquoi pendant la grève de 2012, par exemple, la stratégie, la tactique des occupations n'a pas été vraiment utilisée, j'imagine. Et puis enfin, on nous a aussi parlé, entre autres, à l'Université de Montréal, à Gatineau et ailleurs, des problèmes avec les agents de sécurité privés, c'est-à-dire que les agents de sécurité privés, on ne sait pas trop comment les gérer en termes de plaintes, on ne comprend pas trop c'est quoi leurs droits, et pourtant ils se permettent beaucoup de choses, des propos sexistes extrêmement violents, et évidemment aussi des actions répressives extrêmement dures de la part d'agents de sécurité privés. Je vous mentionnais deux, trois autres éléments. On nous a aussi présenté, ça c'est le Parti communiste révolutionnaire, donc le PCR, qui nous a fait une analyse assez détaillée d'une, je ne sais pas si on peut appeler ça une grande enquête, là, qui dure depuis vraiment des années, gérée plus ou moins adroitement par différents services, dont l'unité sécurité intégrée, en tout cas, il faut le rappeler, c'est le nom exact. Qui essaye, en fait, depuis plusieurs années au Québec, de trouver qui seraient les personnes responsables de certaines actions spectaculaires. On pense, entre autres, au sabotage d'un pylône électrique il y a plusieurs années et d'autres actions de ce type. Et donc, régulièrement, tous les ans et demi, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les médias, il y a des descentes, des percussions, je pense, au Cégep Saint-Jérôme, il y a quelques années, liées à cette enquête. Et donc, le groupe en question est venu nous expliquer à quel point, lui, il était directement dans la ciblé par cette enquête, c'est-à-dire que beaucoup de ses membres avaient été en fait visités par des enquêteurs, des perquisitions, et selon l'analyse fournie par lors du témoignage même, en fait, il était clair pour l'organisation que ça avait plusieurs impacts négatifs, en fait, que c'était une excuse, en fait, pour en fait cartographier des réseaux militants pour la police, en fait, C'était aussi évidemment une manière pour la police d'intimider les militants et les militantes et les sympathisants et les sympathisantes, de faire des propositions évidemment de collaboration avec la police, donc c'est assez inquiétant aussi. Et ça peut avoir carrément des effets de désengagement, c'est-à-dire de l'intimidation peut évidemment fonctionner et faire peur aux gens pour différentes raisons, que ce soit des raisons personnelles, professionnelles, etc. Alors que cette enquête, jusqu'à maintenant, n'a abouti absolument rien par ailleurs. On nous a parlé, ça, évidemment, c'est toujours quelque chose de bien dans la mesure où les réseaux militants ont une tendance quand même à la saine paranoïa. On parle beaucoup d'infiltration, mais donc c'est toujours difficile, en fait, de distinguer qu'est-ce qu'il y a de vrai dans les rumeurs. Lors des témoignages dans les différentes villes, en fait, on est venu nous présenter des témoignages qui confirmaient, en fait, à plusieurs occasions, dans différents contextes, la présence d'agents infiltrés et d'agents informateurs, confirmés comment, de différentes manières, parce que ces agents ont, par exemple, témoigné dans des procès, donc ils se sont révélés, ils ont procédé à des arrestations, ils ont été parfois même reconnus par des personnes qui les connaissaient dans leur jeunesse. Les policiers ont un passé avec des gens qui les ont connus, puis tout à coup ils deviennent policiers, tout à coup ils deviennent infiltrés, puis ils font l'erreur d'aller infiltrer des groupes de gens qui les connaissent. Pas super bon. Anecdote, puisque c'est toujours rigolo de dire des anecdotes sur les agents infiltrateurs pas très habiles. Des collègues de l'Université de Montréal en criminologie ont fait une recherche sur les agents médiateurs de la police, donc ceux qui ont médiation, etc. Et pendant le printemps 2012, ils étaient tellement débordés qu'en fait, ils recrutaient comme ça des médiateurs sur le pouce un peu, qui, des fois, le lendemain, se retrouvaient agents infiltrés. Donc, c'est complètement ridicule. Mais en tout cas, bref. On nous a aussi indiqué que souvent, les informateurs étaient particulièrement incompétents. Par exemple, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste à Québec, peut-être que vous le connaissez, c'est assez bien connu. C'est un lieu, en fait, de groupe communautaire financé par Centraide, entre autres. C'est un lieu qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, d'ailleurs. Le COMPOP, généralement appelé le COMPOP, dont avait été dépeint par un informateur de la police qui s'y était infiltré comme une organisation façade au financement louche d'organisations anarchistes. Et je pense qu'il appelait ça le Tom Pop, quelque chose comme ça. Le Tom Pop, c'était sorti en cours. Le Coin Pop, c'est ça, le Coin Pop. Il n'avait pas compris que c'était comme Pop pour que. Donc, bref. Donc ça, c'est la qualité des informateurs qu'on a. Je veux dire que c'est mes impôts qui payent pour ça. Finalement, on nous a beaucoup parlé. En fait, je reviens avec la question des tribunaux. On nous a beaucoup... plusieurs personnes sont venues nous témoigner, en fait, d'une sorte de dysfonction. Ça dépend évidemment comment on le voit. On peut considérer que c'est une bonne chose, mais une dysfonction, ou en tout cas, une sorte de dissonance entre ce que la police fait. On l'a mentionné tout à l'heure au sud des 6, et quand on se retrouve devant les juges. Et on nous a dit, en fait, devant les juges, ce n'est ni la vérité, ni le droit qui est recherché, c'est une sorte d'entente, en fait, on essaie de gérer les affaires, on fait des deals, on laisse tomber telle accusation, on propose plutôt ceci, plutôt cela, et on a l'impression que finalement, le système qui est dit de justice, donc les tribunaux, c'est quelque chose de plus ou moins bancal par rapport à l'image qu'on s'en fait des fois de l'extérieur quand on regarde des films d'Hollywood. Et donc, la police met beaucoup d'efforts pour nous réprimer, et elle a réussi réellement à nous réprimer, mais que quand on arrive devant les juges, c'est donc, comme ça a été dit par un témoin, donc c'est ni le droit ni la vérité qui est recherché dans cet espace, mais une sorte de compromis. Enfin, je termine sur les effets. Là, évidemment, dans le rapport, on va évidemment essayer de les distinguer de façon plus claire, mais très certainement, il y a un certain nombre d'effets importants que j'ai déjà dit. Plusieurs personnes sont venues nous témoigner de blessures sévères, de blessures graves. On nous a à plusieurs reprises indiqué que la police au Québec a vraiment une réticence à laisser les ambulanciers et ambulancières intervenir rapidement dans des situations de manifestation, par exemple, alors que ce qu'on nous explique, c'est que généralement, ça serait très facile, en fait, ou relativement facile pour une ambulance de se rendre sur les lieux, c'est souvent demandé à plusieurs reprises, même si quelqu'un est vraiment en situation de blessure assez grave. On nous a même donné l'exemple en fait, d'une personne qui a dû être accompagnée à l'hôpital par des amis, en fait. Et puis, après ça, on nous a aussi raconté des histoires où la personne gravement blessée, sous sédatif, reçoit la visite des policiers dans son lit d'hôpital où on lui demande, en fait, de signer des déclarations, ce qui est totalement, évidemment, abject. On nous a partagé la peur. Donc, il y a des individus, évidemment, qui sont ciblés et qui ont peur, ce qui est tout à fait normal. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui est déjà bien connu. En anglais, on appelle ça le « chilling effect », c'est-à-dire l'effet des froids. On peut ressentir quand même une sorte de paralysie devant une situation où il y a trop de policiers. On n'est plus capable d'être dans la manifestation, et puis des fois même, on n'est plus capable de sortir de chez soi pour aller à une manifestation parce qu'on a peur. Des gens nous ont même dit qu'il y avait des sentiments de peur qui remontaient à simplement venir à la commission elle-même. Pour vous dire l'effet du traumatisme. Et si je peux le dire, moi-même, en fait, j'avais pas pensé, mais après la première journée d'audience, je suis revenu chez moi et puis il y avait comme plein de traumatismes qui remontaient, plein de souvenirs de répression dans la mesure où je suis vieux et que j'ai fait la guerre de Corée. Je me rappelle que c'était la guerre que mes camarades et moi avions vécu particulièrement pénible, que j'avais un peu enfoui dans ma mémoire et puis ça faisait ressurgir plein de choses, même si c'était pas moi qui témoignais comme tel. On nous a dit, et ça évidemment c'est à la limite une bonne chose, c'est pas surprenant non plus que les gens qui sont venus témoigner devant nous ont évidemment, vous allez être surpris, ont développé une certaine méfiance à l'égard de la police. Mais aussi en fait, des politiciens, les gens ne comprennent pas pourquoi au Québec ça continue comme ça, que les politiciens reviennent toujours dans les maisons en disant le travail de la police est vraiment professionnel, c'est un travail exceptionnel, c'est vraiment des gens qui font ça dans des conditions difficiles, qui sont très fatigués. Donc, les policiers... Vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h27. Donc nous recevons aujourd'hui André Belisle, président fondateur de l'Association québécoise pour la lutte contre la pollution atmosphérique, à l'occasion de la sortie de son livre 50 ans de caricature en environnement. Donc, dans ce livre, à travers des caricatures parues à travers les décennies dans la presse québécoise, il retrace son parcours de militant et les grandes luttes environnementales. Il présentera son livre jeudi à McCord, au musée McCord. Donc, bonjour Monsieur Belisle, vous m'entendez ? Oui, bonjour, très bien. Bonjour. Je vais commencer facilement par une première question assez facile. Pouvez-vous parler du contexte d'écriture de ce livre et les motivations qui vous ont poussé à faire cette revue de la caricature écologiste ? Tout d'abord, c'est une idée de ma compagne, de ma blonde, de ma femme, Jocelyne, qui est aussi ma compagne de lutte depuis 25 ans, qui, lors de notre 30e anniversaire en 2012, a dit il faudrait bien réaliser là ce que j'avais proposé dans les années 80, soit de faire un recueil de caricatures sur les dossiers environnementaux. Pour pouvoir en rire un peu, parce que souvent on dit que les écolos sont plates, sont sérieux, moi je voulais justement qu'avec les caricatures, on puisse avoir un regard, si on veut, humoristique, mais tout en amenant un contenu informatif, éducatif, et en même temps, là, faire une rétrospective. Fait que c'est tout ça mis ensemble qui a fait que j'ai répondu à la demande de ma blonde et j'ai produit ce recueil de caricatures avec les gens d'Éco-Société et surtout du musée McCord. C'est un vrai choix symbolique de choisir la caricature pour représenter ce choix. Vous avez expliqué que c'était votre compagne, mais c'est vrai que dans la portée du mouvement écologiste, le choix de la caricature, ça a aussi un sens. Ouais, c'est ça. C'est que, moi, je suis quand même un vieux de la vieille, là. Je suis à la QLPA depuis 1982, mais j'étais membre de groupe écolo dans les années 70 aussi. Et j'ai pu voir là comment a évolué, si on veut, la question environnementale et comment souvent les caricatures étaient plus réalistes que les propos de nos représentants politiques. Bon, la caricature pouvait capter dans une image ou dans un dessin l'absurdité d'une situation. Bon, comme c'est des dossiers dans lesquels j'ai été régulièrement impliqué, ou si on veut, de près ou de loin, ben ça m'amenait à pouvoir justement considérer l'aspect, on pourrait dire, burlesque ou ridicule de plein de situations. Mais vous avez dit que vous êtes dans le militantisme écologiste depuis bien longtemps, et qu'est-ce qui a selon vous évolué entre les années 60, 70, 80, 90 et le militantisme écologiste aujourd'hui? Ben moi d'abord, contrairement à mes collègues écologistes connus qui pour la plupart sortent des universités, ben moi je sortais du bois. Alors j'avais une approche très différente, plus je dirais pragmatique et au ras du sol. Donc j'ai toujours prôné l'éducation populaire. En fait, j'ai cofondé avec des amis le premier groupe d'éducation populaire en environnement au Canada. Et dans ce sens-là, ben j'ai eu une approche différente. Et heureusement, j'en tire une très grande fierté. Tous les dossiers que la QLPA a menés ont connu une issue positive. On a gagné tous nos dossiers. Et ça, c'est parce que les gens, finalement, comprenaient ce dont on parlait. Et à partir du moment où les gens, la majorité de la population ou des électeurs, comprend le problème et la solution, ben la sagesse populaire fait en sorte que les pressions se font sur les politiciens pour que les choses bougent. Alors, la caricature, dans ce recueil de caricatures-là, permet justement de faire une récapitulation de ces dossiers-là depuis 50 ans et par l'humour de faire voir le ridicule des situations, mais en même temps, ça permet de tirer un trait, de voir, ben les plus acides, on a gagné la bataille. Et les gens disaient que c'était pas possible, mais ça s'est fait. Puis on peut voir le dossier des gaz de schiste, le réchauffement planétaire. Bon, tous ces dossiers-là, à travers les caricatures, ben ça fait rire, parce que, comme je le disais tantôt, on voit le ridicule de la politique plus souvent qu'autrement prendre la vedette. Mais en même temps, ben ça démontre aussi l'action là des groupes écologistes, des groupes de citoyens et la volonté populaire, comme en fin de semaine, ça a été démontré encore une fois à Québec, où il y a eu 25 000 personnes et plus qui ont demandé une action responsable et urgente dans le dossier des changements climatiques. Ben voilà, c'est tout ça mis ensemble. Démontre que souvent les politiciens sont loin, loin, loin de la réalité ou de la volonté des gens, et ils se font rappeler par les caricatures. Et justement, du fait de votre expérience, que pensez-vous que les initiatives majeures comme la Marche Action Climat ou par exemple la Fondation Coule Pas Chez Nous, que votre association a sponsorisé, peuvent apporter et changer dans le combat pour la défense contre l'environnement? Qu'est-ce que ça a de nouveau? Ben, faut pas voir ça comme quelque chose de nouveau. C'est plutôt quelque chose, c'est un continuum, là. Bon, nous, on était le premier groupe écolo à vraiment travailler avec les citoyens d'abord. On était un groupe d'éducation populaire, justement, pour mobiliser les citoyens. On a appelé à la création de groupes citoyens. Et aujourd'hui, ben, il y a des groupes citoyens contre les gaz de schiste, des groupes citoyens contre les pipelines, contre le pétrole. Et là, les gens apprennent à travers ça à défendre leurs droits, à occuper la scène politique, si on veut, dans son sens large, parce que toutes ces choses-là se passent dans nos régions, dans nos municipalités, sur nos terres, et les gens avant croyaient qu'ils n'avaient pas de voix au chapitre. Eh bien non. Aujourd'hui, les gens comprennent, et c'est avec l'éducation populaire qu'on est arrivé, c'est que faut pas rester muet devant des choses qui ne nous conviennent pas. On peut le dire et il faut le faire, La liberté d'expression, nous, on s'est battu pour ça. On a, dans le livre de caricature, il y a un passage sur les poursuites abusives, les slaps. Ben nous, ça nous a coûté cher, mais on s'est battu pour défendre la liberté d'expression. Ben tout ça a évolué avec le temps. Et ben nous, on estime que notre travail à la QLPA, et je le disais au début, ben, on est fiers. Tous les dossiers qu'on a menés, on les a gagnés. Ben on est fiers de dire que c'est parce que la population comprenait les enjeux et il fallait vulgariser les choses pour que les gens comprennent. Et maintenant, on est rendu à l'étape où on peut rire des situations, comme je le disais tantôt, qui étaient absolument absurdes, qu'on a vues souvent. Mais à travers ça, on fait un récapitulatif, pardon, de l'histoire de l'environnement. Puis il y aura un tome 2, là, parce qu'il y a encore plein d'autres dossiers que j'ai pas. C'est une annonce en direct, du coup. Et donc, l'idée, on a compris que l'idée de ce livre, c'est de revenir sur les combats passés pour montrer qu'au final. Et est-ce que, selon vous, en revenant sur les combats passés, vous ne pouvez pas ignorer les défis actuels? Quels sont, selon vous, les défis actuels pour lesquels la société civile québécoise et canadienne doit se lever contre les politiques, les grandes entreprises dans le domaine de l'écologie? Ben là, c'est l'obscurantisme qu'amènent les conservateurs et le gouvernement Harper sur les énergies fossiles, particulièrement le pétrole. Là, on tente par tous les moyens de faire taire la science, les scientifiques, les écologistes, de faire disparaître les lois de protection de l'environnement au profit des pétrolières. Ça, c'est le défi actuel. Et ce défi-là, ben, il est intimement lié au problème du réchauffement planétaire et des extrêmes climatiques qu'on connaît. Alors là, on est vraiment dans une époque où le gouvernement à Ottawa essaie de mettre la chape de plomb au-dessus du discours écologiste pour faire passer les pipelines. Mais il est trop tard et ce gouvernement-là n'a pas compris que les gens savent, les gens ont vu Mégantic, ont vécu la tragédie, on en a vu d'autres, des déversements de pétrole, des accidents ferroviaires causés par le transport de pétrole. Et tout ça est arrivé parce que ce gouvernement-là a mis toute son énergie pour produire de plus en plus de pétrole, mais sans considérer les questions environnementales, au contraire, en méprisant les questions environnementales, en méprisant les questions de sécurité, parce qu'en augmentant la production, on augmentait définitivement et proportionnellement le transport, mais on n'avait pas la capacité de gérer adéquatement et sécuritairement ce transport-là. Alors, ce gouvernement-là se retrouve dans une situation doublement absurde où on a accéléré et accentué les dangers et les accidents, et le prix du pétrole a tombé. Alors, on a tout fait ça pour rien, et ça nuit à l'économie du Canada. Heureusement, au Québec, on est moins dépendant du pétrole qu'ailleurs, alors on s'en tire mieux. Mais voilà, on a là l'extrême du ridicule, où on est en train d'essayer de faire taire les gens finalement, essaient de faire comprendre que c'est une erreur au point de vue environnemental extrême, c'est une erreur au point de vue économique monumental, et c'est aussi une attaque de front à la liberté d'expression. Et on comprend qu'il y a un vrai, vrai problème global sur la politique énergétique et environnementale du Canada, mais le problème, c'est comment à passer d'un système où les militants écologistes vont s'attaquer à un projet et tenter de le résoudre et gagner souvent, comme vous avez pu le faire, à justement une solution globale. Quelles sont les possibilités pour arriver à une solution globale sur l'écologie? Ben, c'est définitivement l'éducation populaire, la conscientisation de masse, et ça se fait de plus en plus et de plus en plus vite aussi. Et c'est ce que les gouvernements, comme le gouvernement Harper, comprennent pas en s'imaginant qu'ils peuvent passer par-dessus les gens comme ça. Ben aujourd'hui, avec la communication qui fonctionne à vitesse de la lumière, ben écoutez, les gens apprennent et se mobilisent rapidement. Et les gens sont solidaires partout, et on en a vu un bon exemple en fin de semaine avec la manifestation à Québec. Il y avait des gens de partout au Canada qui sont venus pour défendre soit les pipelines en Colombie-Britannique, on pense à Northern Gateway, à Kinder Morgan, ou des gens au Nouveau-Brunswick qui veulent pas Énergie Est, ou des gens du Québec, de l'Ontario, des gens d'un peu partout. Alors, on voit que la communication unit les gens, et ben c'est ça qui est l'espoir. L'information circule, les gens comprennent, les gens se mobilisent, et les alternatives existent. Les gens le savent aussi. On n'est pas condamné à l'ère du pétrole. On aimerait nous faire croire qu'on ne peut pas en sortir, mais c'est faux. Aujourd'hui, avec les énergies vertes, on peut parfaitement se passer du pétrole, électrifier les transports, utiliser l'électricité de sources hydrauliques ou de sources éoliennes, de sources solaires. Il y a toutes sortes d'alternatives qui se présentent à nous pour passer de la préhistoire à l'avenir. Et ça, ben les gens le savent et moi, je demeure très optimiste. Là, on va finir par régler tous ces problèmes-là et apprendre finalement à vivre en communauté parce qu'on aura des communications plus, je dirais, soutenues, plus rapprochées. C'est vrai qu'on peut être optimiste en voyant la mobilisation à Québec, mais à côté de ça, pour finir, vous prenez le rire envers et contre tous, on appréciera le jeu de mots, mais aujourd'hui, face à des projets de loi comme C-51 qui visent directement les militants de la cause écologiste, on a vraiment l'impression que les opposants, ceux qui sont encore des climato-sceptiques alors que cela a été prouvé scientifiquement, ils s'arment de plus en plus. Et est-ce qu'on peut encore rire dans ce combat alors qu'on est face à des opposants qui sont toujours plus agressifs? Ben, écoutez, là, il faut comprendre que moi, ça fait quand même 40 ans que je suis au front et c'est pas la première fois que je vois des choses comme ça. D'ailleurs, dans le recueil de caricatures, on a le chapitre sur les poursuites abusives où on a tenté de nous faire peur et de nous faire taire. C'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre pour aussi rassurer les autres militants écologiques plus jeunes. Ouais, ben c'est ça. Moi, pour moi, c'est clair qu'on peut définitivement arriver... On peut définitivement arriver à rester optimiste parce que les batailles gagnées dans le passé ont pavé la voie pour continuer notre travail. Et là, ben, je vous donne par exemple la loi C-51 qui vise à faire taire les gens, ben ça a mobilisé les gens plus qu'autre chose. Et là, malheureusement, le gouvernement conservateur, se croyant à l'abri de tout et au pouvoir éternel, ben a à mobiliser beaucoup de gens contre lui et va se retrouver en élection et ces questions-là vont venir le hanter. Et ça, veut pas, les gens veulent défendre la liberté d'expression. Et, regardez, on est au Canada en 2015, on n'est pas au Chili en 70. Alors, vouloir faire peur et faire taire les gens pour faire passer ces projets et ces idées, ben on peut s'essayer, mais c'est voué à l'échec. Ben, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Lille. Et donc, je rappelle que vous présenterez votre livre au musée Macord jeudi. Donc voilà. Ben, merci beaucoup à vous. Ben, c'est un plaisir, puis je vous souhaite un joyeux printemps. Merci, au revoir. Donc voilà, on vient d'entendre Monsieur Bellil. Juste avant d'écouter Ted Rutland nous parler de la représentation spatiale du privilège blanc, encore un thème très intéressant, on va passer un peu de musique. Le morceau s'appelle Mimoun, fils de Harki. C'est l'un de mes morceaux préférés du groupe français Mickey 3D et il nous aide à rappeler les dangers de l'exclusion et des plafonds de verre. Il va pointer dans l'usine où ça sent pas bon, où tout le monde fait que tousser. Il sait pas très bien d'où il vient, tout ce qu'il sait c'est qu'il est pas français. Il aurait bien aimé pourtant, mais les gens font que l'éviter. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit « Mon gars, t'arrêtes pas ». Bientôt 40 ans, mais il est toujours chez sa mère. C'est parce qu'elle est un peu malade depuis qu'elle a perdu son père. Et comme c'était lui le plus grand des fils, il est parti bosser à l'école. Il se débrouillait bien, l'aurait bien voulu continuer. Comme si la vie s'était posée sur lui en lui disant: toi tu bouges pas, les trucs jolis c'est pas pour toi. Mort, c'est sa façon de s'évader. Et comme il y croit plus très fort, il dit qu'un jour il va se tailler les veines plutôt que de s'en aller pour être ailleurs. Un étranger qui fait peur à la ménagère et qui occupe les policiers. Alors il reste planté là, raconte des trucs à la fraiseuse qui lui dit: mon gars, t'arrêtes pas. C'est pas pour toi. Okay, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep listening. Donc, vous écoutez CKUT 90.3. On est de retour dans En Profondeur. Il est maintenant 5h46. Je m'appelle Antoine et je suis votre hôte aujourd'hui. Comme dernier sujet de l'émission, on va maintenant écouter Ted Rutland, géographe à l'Université Concordia et professeur. À l'occasion de la conférence Le privilège blanc ou l'inconvénient d'être coloré, il abordait la racialisation spatiale de nos sociétés. Il montre comment les personnes de couleur sont désavantagées dans l'organisation de nos villes. Donc, on l'écoute. Bonsoir, merci d'être là. Je suis Ted, je suis anglophone, mais je parle en français avec plein de fautes, alors désolé en avance. J'ai été invité à vous parler du privilège blanc à l'échelle urbaine et surtout en relation avec les pratiques d'urbanisme. Ce que je constate, c'est le suivant. Le privilège blanc est manifeste dans les relations interpersonnelles, mais aussi et surtout dans les structures institutionnelles et dans les domaines de connaissances. Quand on parle d'institutions et de connaissances, pendant, je dirais qu'on ne parle plus seulement des simples privilèges, mais de domination. Une domination qui était menée par le contrôle des ressources, la coercion et la violence depuis des siècles, et qui a produit une structure sociale qu'on pourrait appeler la suprématie blanche. Mon but ce soir, c'est donc d'examiner comment l'urbanisme a fonctionné comme un instrument de la suprématie blanche. L'effet de cet instrument, j'expliquerai, a toujours été de maintenir et d'améliorer la qualité de vie blanche et d'ignorer, de contrôler et d'aggraver la vie des personnes racisées, des personnes non blanches. On peut voir cet âge constant à travers trois différents modèles d'urbanisme qui furent institutionnalisés durant les deux derniers siècles à travers le monde, Montréal compris. Avant de commencer, je voudrais souligner ma propre relation aux questions que je discute. Comme personne blanche, mon parole sur la suprématie blanche peut sembler impliquer que je suis à l'extérieur de ces relations de pouvoir que j'ai décrites, que j'ai réussi à me soustraire de cette structure de la suprématie blanche et que je vous parle donc à partir d'une position de supériorité morale. Ce n'est pas le cas. J'ai bénéficié de la suprématie blanche toute ma vie, j'en profite encore, et je continue à être impliqué dans sa reproduction en même temps que je consacre une grande énergie de concert avec d'autres à l'éradication de ce système oppressif. Être une personne blanche dans une société de suprématie blanche est de participer à l'oppression raciale par défaut. Ce n'est pas grâce à la neutralité ou la tolérance ou un des amis noirs que nous cessons de participer à cette oppression. Et nous devons faire un travail permanent et constant de comprendre et de lutter contre les moyens autant simples que complexes, qui reproduisent cette suprématie blanche. Donc, c'est à partir d'une position d'implication dans les avantages procurés par la suprématie blanche et de non-innocence dans sa reproduction que je parle avec vous ce soir. Et c'est à partir de cette position reconnue comme telle que je pense que les personnes blanches peuvent participer à la lutte contre ce système oppressif et contre une position illégitime en son sein. Le premier modèle de l'humanisme dont je vais vous parler peut être décrit assez rapidement. Au cours du 19e siècle, l'humanisme a adopté comme objectif de protéger et même d'améliorer la santé physique des résidents urbains. Cet objectif, l'humanisme l'a poursuivi à travers la construction des égouts et des canalisations d'eau, par l'introduction et l'application des codes de bâtiment, et par le contrôle quant aux endroits où pouvaient s'établir des industries et d'autres utilisations d'espaces dangereux. Concomitante avec l'émergence de cette nouvelle préoccupation de l'urbanisme pour la vie humaine, cependant, était la naissance d'une conception particulièrement horrible de ce qui la vie représentait. C'est-à-dire un discours scientifique dans lequel la blancheté signifiait la vigueur, la santé, la rationalité et la moralité, alors que les autres races écornaient la faiblesse, la maladie et l'immoralité. De ce point de vue, être en bonne santé est d'être blanc. Et la promotion d'une bonne santé était la promotion de la santé blanche. Et donc, des systèmes d'égouts ont été construits dans les quartiers blancs, mais pas dans les quartiers noirs, chinois ou autochtones. Les industries dangereuses ont été évacuées des quartiers blancs et rétablies dans les quartiers racisés. L'effet de ce modèle est donc le suivant. La ville devient un espace qui garde les personnes blanches en santé et qui assujettit les personnes racisées à des maladies, à la mauvaise santé et à des violences corporelles. Un deuxième modèle d'urbanisme est devenu populaire vers la fin de la 19e siècle. Ce modèle a été promu par les médecins, les philanthropes et toute une génération de réformateurs blancs et classe moyenne. L'objectif de ce modèle était de transformer les classes populaires et surtout les communautés racisées en modifiant leurs conditions de vie. Pour mener ce projet, les médecins et les autres réformateurs ont descendu dans les quartiers pauvres, les soi-disant bidonvilles, et ont produit des études exhaustives sur l'existence et les conditions de vie des résidents. Essentiel à ce travail a été une certaine façon de voir les choses. Les réformateurs ont pris leur propre vie comme une norme universelle et ils ont décrit toute divergence quant à cette norme comme une pathologie, une infériorité, bref, comme un problème à résoudre. En plus, ils ont perçu les bidonvilles comme un monde de faits, simple et toujours visible. Tout ce qu'ils avaient besoin de savoir était donc devant leurs yeux. En se basant sur ce point de vue, le projet d'urbaniste était de changer les conditions de vie dans les quartiers pauvres, de rendre leur condition de vie normale pour rendre leur vie normale. Ces actions ont pris deux formes. Un, l'élimination des logements soi-disant anormaux sans offrir les résidents un autre logement. Deux, le déplacement des résidents pauvres dans les projets de logements sociaux où ils pourraient vivre normalement et sous surveillance. Ces deux formes d'action se sont répandues après la Seconde Guerre mondiale à travers un projet appelé la rénovation urbaine. Au cours de cette période, le but de normaliser les gens a souvent adjoint à l'objectif de livrer les espaces urbains à des utilisations plus rentables. Les plus ciblés par ces projets étaient inévitablement des résidents noirs qui ont souvent perdu leur propriété immobilière et sont devenus locataires ou pire en conséquence. L'effet de ce modèle est donc le suivant. La ville devient un espace où les blancs peuvent vivre en liberté et avec plus de richesses, pendant que les noirs et certains autres groupes sont surveillés, dénigrés, déplacés et dépouillés de toute la richesse qu'ils possèdent. Pour une autre perspective sur ce modèle, nous pouvons tourner vers W.E.B. Du Bois, un militant et intellectuel afro-américain qui a produit ses propres études sur le phénomène des bidonvilles noirs. Disputé avec les réformateurs blancs, qu'ils appelaient des slumologistes, Dubois a illuminé la structure sociale qui avait confiné les morts à des conditions de vie misérables. Il a démontré que la bidonville était l'effet d'employeurs racistes, des propriétaires racistes et de la suprématie blanche en général. Il a fait voir que changer la société était la meilleure façon d'améliorer la vie des gens. Bref, il a remis en question l'idée qu'il y avait un seul mode de vie normal, et il a regardé derrière les cinq faits du bidonville pour voir comment sa réalité était produite. Entre ces deux perspectives, celui des sémiologistes et celui de Dubois, on retrouve ce que l'intellectuel afro-américain Charles Mills a récemment appelé l'ignorance blanche. Ceci est une ignorance sociale plutôt que biologique, une ignorance sémée par une structure sociale dans laquelle il existe des murs, des obstacles et des violences que les Blancs ne vivent pas et donc n'intègrent pas dans leur perspective sur la société. C'est une ignorance qui est faite par l'oppression et pour l'oppression. C'est une ignorance qui laisse les Blancs se sentir méritoires, innocents et pleins de connaissances alors que nous sommes impliqués socialement dans des atrocités sans précédent à travers des siècles et pendant que notre connaissance est extrêmement réduite. On peut toujours dire que les êtres humains sont tous cantonnés dans leur propre perspective, que nous sommes, par ce fait, tous également ignorants. Mais c'est faux. Comme James Baldwin l'a bien expliqué, pour pouvoir survivre dans ce monde comme une personne racisée, surtout comme une personne noire, c'est nécessaire de bien connaître le blanc. Les idées des blancs sont partout dans la sphère publique et nos habitudes constituent un paysage de microagressions et macroagressions pour les gens racisés. Les blancs peuvent facilement survivre dans leur ignorance des perspectives des personnes racisées, mais l'inverse n'est pas le cas. Dans les années 60, au plein milieu du projet de rénovation urbaine, on voit l'émergence d'un troisième modèle d'urbanisme, un modèle qui est très courant à Montréal et ailleurs aujourd'hui. Le modèle a été mis en avant, entre autres, par Jane Jacobs, une femme blanche du quartier de Greenwich Village à New York. L'idée importante dans ce modèle est que l'espace urbain peut et devrait produire des sentiments de bonheur, de plaisir, d'aisance et de jouissance. Les conditions spéciales qui produisent ces sensations, selon le modèle, étaient déjà présentes dans les quartiers comme celui de Greenwich Village. Les rues sont étroites et les coins de rue fréquents. Les utilisations d'espace sont diversifiées. Les parcs sont situés le long des trajets piétonniers et se sont donc bien fréquentés, etc. Ce qui fut ignoré par Jane Jacobs et d'autres partisans de ce modèle, c'est que la ville de New York était, dans les années 60, en guerre contre les populations noires. Cette guerre menée par la police comporte le profilage racial, les arrestations injustifiées, les aveux obtenus sur la torture, l'emprisonnement sans motif et des centaines de meurtres. Tout cela a eu l'effet d'enfermer les Noirs dans leur propre quartier, généralement très loin de Greenwich Village. Ce qu'on ignore alors, c'est que Greenwich Village était un quartier sans Noirs et qu'il y avait une violence constante à ses frontières qui lui permettait de garder les Noirs à l'extérieur. Encore plus grave, Jacobs a soutenu que les conditions spéciales de son quartier amenaient naturellement à la sécurité, c'est-à-dire sans la police. Les activités de la police, la violence de la police, sont donc effacées. Tout cela n'existe pas. L'effet de ce modèle est donc le suivant. Un quartier est un espace qui produit du bonheur et de la sécurité pour les Blancs et certains d'autres, à travers la misère, la violence physique et le meurtre de personnes noires. Pour voir une autre perspective sur ce modèle, on peut tourner vers Assada Shakur, la militante afro-américaine qui a décrit Greenwich Village dans les années 60 dans son autobiographie. Shakur constate que la police était une menace constante pour les personnes noires, que le rôle de la police était de ségréguer la ville et de garder les Noirs dans leur quartier, et que quand elle entrait à Greenwich Village, la sécurité décrite par Jane Jacobs n'existait pas pour elle. Shakur a au moins une fois subi des agressions sexuelles par des hommes blancs à Greenwich Village, ce qui est un risque pour toute femme, certainement, mais de manière différente et dans une mesure différente pour la femme noire. Alors, 3 mètres de Donc, merci à Ted Rutland pour cette intervention. C'était très très intéressant. Il ne faut pas oublier le sujet du privilège blanc. Donc, en profondeur, c'est fini. Je m'appelle Antoine et j'ai été ravi d'être votre hôte. Je tiens à remercier mon invité André Bellil et je tiens aussi en cette belle journée à saluer Morgane. Merci à tous ceux qui permettent une antenne libre et inspirée ici à CKUT. Pour plus d'informations sur cette émission ou si vous voulez vous engager, contactez le département des nouvelles communautaires à CKUT au 514-448-4081, extension 6788 ou news@ckut.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne fin d'après-midi.